à tous et bienvenue pour ce dernier podcast rétro de l'année 2016. Avec moi ce soir, j'ai Gabi. Salut Gabi. Salut Nico, salut Yannick. Et bien sûr, j'ai Yaya avec nous. Salut Yaya. Bonsoir Nico et bonsoir Gabi. Voilà, merci d'être là. Et puis, juste avant qu'on commence, juste avant d'aborder le thème, je voudrais remercier un petit peu certains auditeurs qui nous écoutent de plus en plus. Voilà, j'ai vu cette semaine que le dernier rétro podcast avait très très bien marché. Donc on vous remercie tous les trois hein, de nous écouter, de nous suivre. Et on espère faire mieux en 2017. Voilà, donc ce soir le thème abordé sera l'Euro 2000. On a fait la Coupe du Monde 98 la dernière fois. On va s'attaquer à l'Euro 2000, un Euro qui se passe du 10 juin au 2 juillet 2000. Et donc en Belgique et aux Pays-Bas, voilà, hein, c'est deux pays qui organisent une compétition. Et je crois que c'est la première fois que ça se passe comme ça, hein, que deux équipes, que deux nations organisent une compétition. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu ça dans le passé. Ouais, c'est Non, vrai non. de mes souvenirs, ouais. Et donc on va parler un petit peu. D'abord, on va essayer de s'attarder un petit peu sur cette équipe de France. Donc l'équipe de France victorieuse en 98. Et là, dans son match, dans sa campagne qualificative, donc l'équipe de France va tomber contre l'Islande, la Russie, l'Andorre, l'Ukraine et l'Arménie. Voilà, donc une campagne normalement qui devrait être les doigts dans le nez. Hein, parce que c'est vraiment quand même un groupe vraiment facile pour l'équipe de France. Ah, peut-être à part la Russie qui est peut-être l'équipe la plus difficile à battre. Mais Et là. malheureusement, ça va pas se passer comme on l'estimait, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce parcours assez chaotique de l'équipe de France. Oui, je sais que moi, si je me rappelle bien, je pense qu'il y avait aussi un match assez dur, normalement, qui aurait dû être facile, contre l'Andorre, il me semble, Ouais, il y a de eu cela. l'Andorre, il y a eu déjà l'Islande aussi, j'ai oublié, oui, l'Islande aussi, le tout premier match en Islande, voilà, c'est premier match qualificatif après la Coupe du Monde. La France avait fait un match amical juste avant contre l'Autriche, ça s'était soldé par un 2 buts partout, voilà, un match pas très beau. Et là, Je l'équipe crois de que la France, France, elle était menée 2-0, c'est pas allez, ça? en C'était ce Autriche. match-là? Ouais, je me rappelle plus. Non, je crois qu'elles menaient 1-0, elles étaient menées 2-1 et ça doit être Bogossian qui doit égaliser en fin de match. Ça doit être un truc comme ça, ouais. Avec un but de l'Islande aussi, je C'était crois. son premier match, premier but pour l'Islande en équipe de France. Ouais. Et donc, premier match qualificatif contre l'Islande. Et je sais pas si vous vous souvenez un peu de cette anecdote. De l'anecdote de ce match. L'hymne qui est chanté. Par un Islandais en fait, et en fait il chante la Marseillaise en français, et bon Tout le bah monde rigole. malheureusement voilà, malheureusement il doit pas très bien parler français, et donc ça fait rigoler Barthez, tu vois Arthèse, ouais, tout à fait. Lizarazu qui est explosé de rire, voilà, Ouais. tout le monde éclate de rire pendant cet hymne. Mais bon, le match va être compliqué parce que l'équipe de France va être menée et ensuite va égaliser par Dugarry. Et là déjà une contre-performance parce que l'Islande, c'est une équipe qu'on connaît pas trop. Il y avait déjà eu une campagne de qualification contre l'Islande. Ça devait être pour la Coupe du Monde 90, je crois, ou c'était à l'époque de Papin. Que la France avait aussi peiné là-bas en Islande. Et là, donc, ils arrivent à faire qu'un partout. Bon, on se dit, allez, c'est l'après-Coupe du Monde, faut remettre l'équipe dans les rails. Voilà, et bon, c'est assez compliqué. Et puis, on a oublié de préciser, aussi Oui. que Aimé Jacquet avait pris sa retraite. C'est ce que j'allais dire, ouais, Voilà. parce qu'il y a le changement de coach avec de sélectionneur, avec maintenant c'était Roger Lemaire qui avait repris les rênes de l'équipe de France. Ouais. Mais tiens, par exemple, toi, Gabi, qu'est-ce que tu en as pensé de Roger Lemaire, de ce sélectionneur? Parce qu'on le connaissait pas vraiment. Bah, Roger Lemaire, en fait, c'était un entraîneur qui avait été champion du monde militaire avec l'équipe de France, je Oui, crois. oui. Et Ouais, c'est ça. ouais, il avait pris, je crois que c'était au bataillon de Joinville, si je dis pas de bêtises. Oh, bah, de toute façon, c'était la meilleure équipe qu'il y avait, hein, de toute façon, ouais. Et en fait, ouais, bon, il veut entraîner l'équipe de France avec des joueurs professionnels déjà confirmés, comme si c'était des jeunes apprentis entre guillemets. Et puis il les a à la motivation en fait durant tout l'Euro 2000, quoi. Mais surtout, ce qu'ont en tête les joueurs de l'équipe de France, c'est de faire le doublé qui n'a jamais été fait dans Voilà, l'histoire, je crois, en c'est vrai, fait, qui n'avait de jamais Coupe du été. Monde d'Euro. Voilà, l'Espagne Et l'aura fait plus tard dans l'autre sens. ouais, et donc en fait, ouais, Roger Lemaire, moi franchement, sur l'Euro 2000, j'ai rien à lui reprocher, hein. Non, Mais non. même, tu vois, je pense que même à la Coupe du Monde 2002, c'est pas forcément de sa faute, hein, ce qui s'est passé. Non, non, non, mais c'est sûr. Parce Moi, je qu'il y a pense eu pas non plus. tellement de ratés de la fédération autour de la préparation, des sponsorings et de l'hôtel en 2002, là, avec les mélanges avec les journalistes, comme ils Ouais. avaient dit. Que je pense que, tu vois, si les joueurs de l'équipe de France avaient la même envie et le même état d'esprit que peut-être en 2000, Ils auraient ça pu aller serait plus peut-être loin, passé. ouais. Moi, franchement, Roger Lemaire, j'ai jamais eu de reproche à lui faire, comme j'aurais pu faire à comment dire, l'entraîneur de 2008, quoi, tu Ouais, vois. ben de Domenech, oui, c'est Ouais, sûr. voilà. Moi, perso, je le trouvais légèrement un petit peu plus mou que Jacquet. Je trouvais moins. Quand on voyait les yeux dans les bleus, c'est vrai qu'on voyait un Aimé Jacquet qui était toujours en train de motiver à fond. Tu vois, c'était toujours très vif ce qu'il disait. Je trouvais Aimé Jacquet, Roger Lemaire, je le trouvais un petit peu plus pensif. Voilà, je trouvais légèrement un peu plus mou, mais après. Pareil, moi j'ai Ouais. jamais rien eu contre lui parce que voilà, il a quand même réussi à faire cet exploit. Alors oui, on en reviendra, il y avait presque la même équipe que 98, mais les autres années, quand c'était la RFA qui avait gagné la Coupe du Monde, et eh ben ils avaient presque la même équipe pour l'Euro, ils ne l'ont jamais gagné. Voilà, bon, ils auraient pu se Ouais. planter aussi, hein. Voilà, hein, c'est pas parce qu'on avait la même équipe que forcément on va gagner. Hein. On verra, il y a des matchs, c'était. On était à deux doigts de les perdre, voilà, hein, tout simplement. Hein. Donc, Ah, c'est sûr. Mais pour répondre à la question de Gabi, qui avait tout à fait raison, donc Roger Lemaire avait été comme sélectionneur de l'équipe de France militaire, et donc a été bien champion du monde militaire en 1995. Et Voilà, ils avaient ils battu avaient l'Iran. battu la France avait battu 1-0 l'Iran L'Iran. à Rome. Donc ils sortaient d'un trophée. Donc Voilà. c'était déjà pas mal quoi pour lui. Donc C'est sûr. mais pour moi Roger Lemaire en lui-même, comme tu dis, moi j'ai trouvé un sélectionneur un peu mou. Puis bon, je Ouais. pense que déjà il avait une ossature faite par Aimé Jacquet, et il avait juste à changer deux ou trois On y personnes pour viendra tout à l'heure, pouvoir ça, sur les changements de joueurs voilà. qu'il y a eu. Déjà, il n'y en a pas eu beaucoup déjà. Donc Non, donc pas beaucoup. voilà. On va revenir vite fait sur la campagne de qualification. Bon, victoire en Russie 3-2, ensuite victoire contre l'Andorre au Stade de France 2 buts à 0. Ensuite 0-0 contre les Ukrainiens en France. Ensuite on bat 2-0 l'Arménie. Et la grosse désillusion, hein, donc on joue 3 matchs d'affilée au Stade de France. Et le match qui aurait pu presque nous qualifier contre la Russie, on perd 3-2. Ouais. Grosse désillusion au Stade de France. On gagne difficilement l'équipe d'Andorre. Ça joue à Barcelone, ça joue au stade Ouais. De de l'Espagnol. l'Espagnol Barcelone. Ouais. Sur À un but 0, non? de Franck Leboeuf. Et je me Voilà, demande si c'est pas un penalty, je c'est crois. Hein, normalement, ça doit être un penalty qui marque Leboeuf. un tir au but, ouais, je Ouais. crois. Ouais. Mais ce qui est En fin de intéressant, match. Ce qui est intéressant Non. à dire, c'est surtout le match contre la Russie d'avant. Là, en fait, il y avait eu un gros coup de fatigue de Youri Djorkaeff pendant le match avec d'autres joueurs. Et lui, il a fait carrément un malaise vagal sur le terrain, en fait. Donc c'est pas le premier, hein. Il avait été comment dire sorti du terrain par Sibiria C'est vrai. après s'être évanoui. Donc il y avait un gros coup de fatigue de la plupart des joueurs à cette époque-là, en fait. Et la Russie en avait profité, donc ils avaient plus joué sur la fatigue. Mais Voilà. je sais pas, après c'était peut-être un match qui tombait encore au mois de janvier, tu sais, ou au mois de décembre, au moment où C'était au t'as. mois de... Attends, excuse-moi, ça devait être en... Non, c'était en mois de juin. C'était après Au mois de le... juin? Ouais, Ah c'était début d'accord. juin, Ah ouais. c'était après la fin des championnats, quoi. Ah ouais, là il Ouais. n'y a pas d'excuse alors là, d'accord. Ouais. Non, j'aurais pensé que c'était en plein mois de décembre, tu vois, par exemple, et que là, justement, ils étaient en Ah, championnat. tu dis Ouais. pas d'excuses, il y a peut-être une petite excuse parce que c'est la fin de la plupart des championnats. Je pense que les joueurs ils doivent être cramés, quoi. Certains ont dû jouer des Coupes d'Europe, ont dû aller Ouais. assez loin, tu vois. Je pense que y a un petit relâchement au niveau mental. Ils se disent, bon bah ça y est, encore deux matchs de qualifi... deux matchs à jouer avec l'équipe de France et à prendre en vacances. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit relâchement déjà, de la fatigue et du relâchement, hein. Moi, enfin, c'est mon avis, ça. Sûrement, sûrement un relâchement parce que quand tu vois le match qui perd 3-2, t'as Karpin qui marque à la 86e minute, donc C'est vrai. pour le 3-2, tu vois. C'est vrai. Et ensuite 0-0 dès le 4 septembre 99, donc nouvelle saison qui commence. Ils font 0-0 en Ukraine. Le 8 septembre, ils vont gagner difficilement en Arménie 3 buts à 2. Voilà, Ouais, hein, quand donc même. c'était. Je me souviens de ce match. Hein, C'est pas glorieux, pas hein. glorieux du tout. Et on arrive à ce fameux 9 octobre 1999 avec ce dernier match contre l'Islande. L'Ukraine est première avec 19 points, avec une différence de but de plus 10. La Russie, deuxième, avec 18 points, différence de plus 10. Et troisième, la France, 18 points, avec une différence de plus 6. Donc ça veut dire que si la France, elle gagne, elle peut passer première, mais il faudrait que la Russie et l'Ukraine fassent match nul. Sauf que si la Russie gagne ou l'Ukraine gagne et que la France gagne, la Russie ou l'Ukraine serait première et la France serait deuxième ou troisième. Et là, ça se jouerait à la différence de but. Donc ça voudrait dire que la France n'est pas sûre d'être qualifiée. Donc c'est un schmilblick déjà, ce dernier match. Donc la France va gagner 3 buts à 2 difficilement, hein, contre l'Islande. Donc ça, ils vont mener 3 buts à 2 jusqu'à la 80e minute à peu près. Sauf que 80e minute de jeu, la Russie, elle marque. Notre coup franc, Philippe, oui, est-ce qu'on peut le voir? Oui, bien Thierry, je crois qu'on peut le caler, donc on va vous le montrer. Alors que vous le voyez, il y a à peine une vingtaine de mètres, c'est Karpin qui s'élance, qui frappe en force. Le ballon a été légèrement dévié, ouverture du score, et c'est vraiment un but qui change tout bien sûr pour les Russes et aussi pour les Français qui passent maintenant deuxième et qui sont barragistes, comme vous nous l'avez si bien dit, Jean-Michel. Mais il reste ici. Donc ça veut dire que la Russie est première et la France est deuxième. Donc deuxième, ça veut dire place de barragiste. Et les places de barragiste, c'est le meilleur deuxième qui rencontrera. Enfin, c'est les deux meilleurs deuxièmes qui se rencontreront. Et donc à ce moment-là, la France est barragiste. Et 87e minute de jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'Ukraine qui égalise sur une bourde monumentale du gardien russe qui Oui. bah, détourne sur un coup franc, qui détourne le ballon dans ses propres buts. Oui, il y a la possibilité peut-être de voir le but. Allez-y, allez-y, Allez-y, allez-y. allez-y. Alors, vous allez voir, donc il y a un coup franc, il est tiré par Shevchenko. Là, Filimonov a le ballon dans les bras, et vous le voyez, il retombe derrière. C'est-à-dire que les Russes qui étaient premiers, eh bien, se retrouvent maintenant troisième et éliminés. Autant dire que c'est une erreur incroyable, et elle coûte très cher, et pour l'instant, elle fait le bonheur de l'équipe de France. Quelle erreur et quel scénario. Combien de temps reste-t-il à Merci. jouer, Philippe? Philippe, Un petit est-ce peu qu'on peut plus. avoir Philippe? Oui, il nous reste 30 secondes dans le temps réglementaire. Autant dire qu'il Ah reste oui. 3-4 minutes. Ben, c'est pas tout à fait Ah, terminé. 3-4 minutes. D'accord. Très bien, merci Philippe. Merci. Donc 1-1 à Moscou. Et nouvel arrêt de jeu dans les arrêts de jeu ici. Et là, ça veut dire que la France, elle passe première. L'Ukraine deuxième et la Russie est du coup pas qualifiée pour l'euro. Donc la France qui est qualifiée pour l'euro, mais bon, ça a été quand même assez difficile, hein. Il y a eu beaucoup de déchets techniques dans le jeu, il y a eu beaucoup de buts pris quand même, que ce que l'équipe de France qui avait avant 98 ne faisait pas. Et pourtant, tu avais à peu près les mêmes joueurs. Bon, ils ont pris, il avait pris Laslande, je me souviens pas qu'il y avait Miku aussi qui avait commencé à jouer. Il y a eu quelques joueurs qui ont été testés. Florian Maurice aussi qui a joué 2-3 matchs. Ouais. Voilà, donc c'est une équipe de France qui est encore en rodage, mais elle est un petit peu décevante, parce que c'est vrai qu'après cette victoire en Coupe du Monde, on pensait que la France allait presque tout écraser sur son passage, quoi. Ouais, mais Ah, bon, c'est sûr. c'était, je pense que, ouais, mais je pense que le fait d'être champion du monde, c'est attendu partout. Donc, le champion du C'est monde, possible aussi. on veut battre le champion du monde. Donc, Ouais, c'est vrai. voilà. Et donc, bah après, il y a une petite campagne de matchs amicaux où la France arrive à gagner tous leurs matchs. Il y a encore ce tournoi à Sande où cette fois, ça se joue bien en demi-finale et finale. La France va remporter le tournoi, mais va faire en demi-finale, va faire que deux partout contre le Japon. Ça va être un match très difficile. Et ils gagneront 4-2 au tir au but. Et après, bah, la finale de tournoi à Sande, ce sera une écrasante victoire sur le Maroc 5 buts à 1. Ouais. Bon, vraiment rien à dire. Voilà, c'est encore une équipe de France qui est voilà, qui est attendue par tout le monde, mais qui n'est pas forcément belle à voir, quoi. C'est dommage. Bah, la principale différence en fait avec celle de 98, c'est que c'est une équipe qui défend moins et qui est beaucoup plus portée sur l'offensive en Voilà, fait. c'est vrai. Et c'est une équipe qui a pas forcément peur de prendre des buts et qui joue quoi. C'est Roger Lemaire, c'est pas un tacticien défenseur, c'est un mec qui va de l'avant et à l'Euro ça va marcher en fait hein, parce que il y a pas mal d'équipes qui vont jouer justement un peu trop en retrait et l'Euro en fait ça va l'Euro 2000 va récompenser les équipes qui vont jouer l'attaque en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, on en arrive à cet Euro 2000. Composition de l'équipe de France. Donc, deux joueurs de 98 vont quitter l'aventure. Ça va être Charbonnier qui était troisième gardien. Charbonnier qui avait bah, exprimé son mécontentement de ne pas trop, de pas beaucoup jouer avec l'équipe de France, et ça va lui retomber en plein dessus parce qu'il va être, mis de côté, quoi. Donc, du coup, il dégage de l'équipe de France. Et Stéphane Guivarch aussi, on en a assez parlé lors des derniers podcasts, malheureusement qui n'était pas assez efficace devant le but et qui va être pareil mis sur le côté. Et puis son après-Coupe du Monde, il va vraiment peiner niveau club. Donc ça va pas du tout l'aider à retrouver une place en équipe de France, quoi. Il va signer à Newcastle, ensuite au Glasgow Rangers, ça va très très mal se passer. Et donc il peut pas être. Là, ça aurait été vraiment un scandale de le voir en équipe de France. Ouais, tout à fait. Et donc ça va être à peu près la même équipe, hein. Ça sert à rien que je redonne l'équipe entière, hein. Ça sera à peu près la même équipe. Se rajoute dans cette équipe de France, hein, donc un troisième gardien, il s'agira d'Ulrich Ramé, hein, joueur de Bordeaux, de Johan Mikou, de Nicolas Anelka, qui avait été écarté en 98 et qui est repris donc pour cette édition de l'Euro 2000, et enfin Sylvain Wiltord aussi qui fait son apparition. Voilà, une belle équipe de France. Hein, Ouais. y a rien à dire. Il y a Ah, tous l'ossature les de postes. 98 avec quelques joueurs complémentaires. Il a doublé tous les postes en fait cette Voilà. fois-ci. Par exemple, Zidane a un remplaçant cette fois-là. C'est vrai. Avec Johan Mikou. C'est vrai. Et donc, on en arrive. Bah, on va déjà dire les groupes de cet Euro 2000. On retrouve le groupe A avec le Portugal, la Roumanie, l'Angleterre et l'Allemagne. Le groupe B avec l'Italie, la Turquie, la Belgique et la Suède. Le groupe C avec l'Espagne, la Yougoslavie, la Norvège et la Suède. Et enfin le groupe D, le groupe de la France avec les Pays-Bas, la France, la République tchèque et le Danemark. Voilà, donc déjà un groupe A qui est quand même compliqué avec le Portugal, Roumanie, Angleterre, Allemagne. Là, c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à trouver de favori. On ne sait pas trop qui va pouvoir terminé dans les premiers. Normalement, ça aurait dû être un groupe assez relevé. Et là, ça va être une grosse, même une énorme surprise. Ce sera le Portugal et la Roumanie qui vont respectivement sortir premier et deuxième. Et l'Angleterre et l'Allemagne va sortir par la petite porte. Ouais. Et c'est surtout l'Allemagne, comme on disait Gabi lors des derniers podcasts, on voit l'Allemagne qui s'enfonce, qui s'enlise encore dans le avec leur génération dans la médiocrité, qu'ils ont depuis 94, c'est ça. Voilà. C'est là. Ils ont jamais su renouveler. Je me souviens à cette époque-là, en fait, il y avait un débat, tu sais, déjà sur la formation des jeunes, sur le modèle de ce qui se faisait en France à Clairefontaine, et puis justement, t'as Emmanuel Petit et Dugarry qui en parlaient encore, qui disaient que après l'Euro 2000, il y a plein d'émissaires étrangers, internationaux qui sont venus en France piquer tout ce qu'on faisait à Clairefontaine, et ils l'ont fait en mieux dans leur pays. Eh oui. Et à partir de ce moment-là, en fait, si tu veux, il y a eu une période vide pour l'équipe de France qui a commencé parce qu'on leur piquait tous les jeunes, en fait. Il a fallu attendre 2006 pour avoir une petite révolution dans la formation, quoi, en fait. C'est vrai. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce groupe A? Parce que bon, il y a eu des très beaux matchs quand même, hein. Il y a eu des matchs assez sympathiques. Le Portugal-Angleterre, magnifique, avec le but de Figo de loin, la frappe de loin, dès le début du match. Non, mais c'était l'Angleterre, franchement, moi, j'ai adoré cette Angleterre-là de 2000, hein, parce qu'elle attaquait, il y avait des super joueurs, il y avait déjà des stars, en fait, dans l'équipe. Et moi, je regrette vraiment que l'Angleterre n'ait pas pu. Ils ont encore montré un peu trop d'arrogance contre la Roumanie, par exemple. Ils perdent 3-2. Ouais. Et puis la Roumanie a mis des super buts. Je me souviens aussi dans ce match-là, ils ont été transcendés. Mais c'est vraiment dommage parce que ce groupe-là aurait mérité d'avoir plus d'équipes en quart ou en demi, en fait. Mm. Malheureusement, elles sont toutes tombées dans le même groupe. Il fallait. À part l'Allemagne, hein, mais bon, après. L'Allemagne qui fait match nul contre la Roumanie, un partout. Superbe but de Mehmet Scholl, je me souviens. Ensuite, ils perdent contre l'Angleterre 1-0. Et ils se prennent une déculottée contre le Portugal, 3-0. Avec un triplé de l'actuel entraîneur du FC Nantes, Conceição. Ah, quand même. Ouais. Incroyable. Là, ça montre vraiment le déclin de l'Allemagne qui, en 2002, arrivera à se redresser. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, d'Oliver Kahn à cette époque-là? Parce que Oliver Kahn, pour moi, enfin, il était montré, tu sais, comme un super gardien de but, efficace. Mais moi, je l'ai trouvé toujours très raide, jamais souple. Ouais. Captait jamais les ballons. Il souriait jamais. Tu sais. Moi, je pense que c'est un mec un peu, tu sais, un peu comme, entre guillemets, Grégory Coupé à l'Olympique Lyonnais durant les 7 années de champion, qui a bâti sa carrière sur une défense avec des joueurs internationaux exceptionnels. Voilà. Mais le gardien même, je suis désolé, moi, j'ai jamais trouvé bon Oliver Kahn. Après, c'est que mon avis. Mais moi je suis d'accord avec toi, de toute façon t'es déjà un gardien très prétentieux et puis comme tu dis très pas souple sur ses appuis, je veux dire tout le temps comme tu dis, heureusement qu'il y avait une défense derrière devant lui non, j'ai jamais trouvé exceptionnel. Heureusement qu'il a réussi parce qu'il était dans un grand club comme le Bayern, mais donc voilà, mais bon il y avait meilleur que lui, hein, de toute façon, hein. Tu vois, Andreas Köpke était quand même meilleur que lui, hein. Mais juste pour revenir dans comme là les matchs de groupe, il y avait un match qui m'avait bien plu, c'était Italie Suède, et je me rappelle que l'Italie avait gagné 2-1 contre la Suède et Del Piero avait marqué le but à la 88e minute. Et je sais pas si vous vous rappelez ce match là. J'ai aucun match, souvenir de ce match. Non. Bon, on va revenir de toute façon, on va en parler de ce groupe B. Donc groupe B avec l'Italie, la Turquie, la Belgique, donc pays organisateur, et la Suède. Donc l'Italie sera première, suivie de la Turquie. Donc la Turquie, pareil, là, qui devient un pays qui va commencer à... qui aura une période de 2-3 ans au sommet du football européen, puis qu'après va redescendre... va redescendre dans les fins fonds du classement FIFA. Mais c'est vrai que la Turquie de 2000 Et 2002, surtout 2002, ce sera quand même une nation assez surprenante avec des très bons joueurs. Ouais, comme Ça, un c'est sûr, ouais. Okun. Okun Il y avait Okun, il y avait Akensukur surtout, celui-là qui était. Ils avaient un bon gardien, comment c'était, Roustou, là, Resber Roustou, Roustou, ouais, c'est vrai. ouais. Puis bon, la plupart des joueurs jouaient dans leur championnat à eux, c'était encore pas trop l'exode à droite à gauche. Et encore, je trouve que même la Turquie, ils ont encore beaucoup de joueurs qui jouent dans leur propre championnat, hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais c'est surtout les Européens maintenant qui viennent finir leur carrière dans leur championnat, hein. Ouais, parce que bon, t'as les clubs turcs, si tu veux, je pense que déjà, ouais, par rapport à la famille, aux traditions musulmanes, ils préfèrent rester chez eux. Et puis après, le côté financier avec les promoteurs immobiliers Ouais, voilà. turcs qui arrivent à garder les meilleurs joueurs turcs dans leur pays grâce à leurs fonds, en fait. Bon, après, c'est pas des fonds très clairs, mais bon. Non, c'est vrai que la Turquie, elle a eu une bonne génération durant. Ouais, 2-3 ans. Ouais, voilà. Et puis avec les clubs comme Galatasaray qui brillait en Coupe Bah, d'Europe aussi. qui avait gagné là, la Coupe UEFA 2000 contre Arsenal. Voilà, hein, c'est pas rien non plus, quoi. Ça montre quand même que le football turc à l'époque était, je peux pas dire au sommet, mais était quand même haut dans la hiérarchie du football européen, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Voilà. Il faisait Donc, partie des top 10, en fait, des ouais, clubs voilà, ouais. européens, ouais. Ouais, mais jouer contre des équipes turques, c'était jamais facile à cette époque, hein, de toute façon. T'étais sûr de tomber Non. contre Ouais. contre un club avec des joueurs très hargneux, voilà, qui avaient envie de gagner, quoi. Voilà, c'est ça le Ouais, et puis truc, quoi. qui avait une connaissance tactique assez performante au niveau international, hein. Mmh, C'était. c'est vrai. Et donc l'Italie qui termine première avec 3 victoires en 3 matchs, la Turquie deuxième, la Belgique qui déçoit chez elle, voilà, elle gagne le premier match, mais après ben va perdre les 2 derniers contre l'Italie et la Turquie. Et la Suède, voilà, qui pareil, la Suède qui est un peu sur le déclin, pourtant ils ont une bonne équipe. Hein, la Suède, il y a encore Larsson, tu dois avoir Ljungberg, tu dois avoir t'as une bonne équipe, mais bon, ça marche pas, quoi. Ils ont Et un puis match. si vous vous souvenez là du match Italie-Turquie aussi, Inzaghi qui obtient un penalty en se laissant tomber. Oui. Et en fait ça, je me souviens que le commentateur avait dit surtout ne touche pas Inzaghi, ne touche pas. Malheureusement, il l'a effrôlé. Il l'a frôlé et puis voilà, il s'est laissé tomber, penalty pour l'Italie, il faut jamais toucher Inzaghi quoi. Dès qu'il court, lui, il se laissait tomber à cette époque-là. C'est vrai. Et ça, c'était, on va dire, c'était l'Italie vraiment truqueuse, tu sais. C'était intéressant hein, de les voir jouer, quoi. Mais ils avaient des vis encore plus approfondies que 98. Hein. Oui, c'est C'était sûr. autre chose. C'est sûr. Et par contre, Mais. je trouvais qu'ils jouaient dans des petits stades. C'est vrai que les stades Ouais, n'étaient pas ouais, très ouais. grands, mais je trouvais que les petits stades étaient toujours bien pleins. Et moi, j'aime bien aussi, des fois, de temps en temps, ces petits stades comme ça qui sont pleins. T'as pas besoin d'avoir un gros stade pour faire venir du monde, quoi. T'en as l'anglaise, comme Bruges, Ouais, pareil. voilà, ouais, non, Ouais. c'est. Là, je vois, t'avais celui d'Eindhoven, il faisait que 25 000 places. T'as quoi d'autre? T'avais un stade aussi en Charleroi, aussi à Charleroi, qui faisait à peu près Ouais, Charleroi, elle est pas 30 000 loin. spectateurs, voilà, mais c'était celui de Liège aussi, celui du Standard, qui était voilà, qui devait avoir 25 000 places à peu près. Bon, c'est des petits stades, mais voilà, il y a toujours le stade qui est plein, hein. Bah, ce qui était Mais impressionnant, c'était quoi? Tu disais quoi, non, Yaya? mais non, je ne sais pas si vous vous rappelez, malheureusement, hors football, c'est que comme à l'Euro 2016, il y a eu tout le temps des incidents avec les hooligans anglais dans le stade de Charleroi et à Bruxelles. Je sais pas, il y avait eu ça aussi, malheureusement, mais Malheureusement, bon. chaque fois que l'Angleterre est qualifiée Un tournoi, c'est un pour un bordel. tournoi, il y a toujours eu des problèmes avec les Pas hooligans, nouveau. quoi. C'est pas nouveau, quoi. C'est C'est pas ça, nouveau, en c'est du déjà vu. 2016, pareil. Ouais, oui. Et Bah, voilà, malheureusement. 98 aussi, hein, contre la Tunisie, là, il y avait eu à Marseille, ça avait été un gros gros bordel. Voilà, bon, ça se Non, mais voit à chaque fois. en plus, je veux dire, le stade de Bruxelles, c'est l'ancien stade du Hezel, En donc il y avait des plus. souvenirs Ouais, avec le drame de alors que je Liverpool l'ai. Juventus. En fait, le problème, je me souviens qu'il y avait surtout en Belgique, c'est qu'ils avaient plus ou moins rénové les stades, mais il n'y avait pas les infrastructures de sécurité. Par Non. exemple, Charleroi, si tu veux. L'extérieur du stade, c'était ouvert. Liège, ils avaient fait une espèce de tribune sur pilotis à 40 mètres de hauteur avec Bah une qu'ils ont ouverture. ils ont ils l'ont enlevé de toute façon après, hein. C'était du Ouais. provisoire la plupart des trucs, hein. Mais je veux dire, tu sais, elle y a encore cette tribune, hein, celle dont je parle, en fait. Tu peux la voir Ouais. côté télé quand tu regardes le match. Mais je veux dire, si tu veux, derrière, il n'y avait pas de protection vraiment de barrière. T'avais directement la rue, quoi. C'était très peu encadré. C'est comme s'ils n'avaient pas forcément retenu les leçons de 98 où t'avais eu des soucis à Lens, Ouais. tu vois? Avec un premier filtrage et un deuxième filtrage, par exemple, pour tout ce qui était hooligan, armé ou alcoolisé, en fait, C'est tu vrai. vois? C'est vrai. Et c'est tout le temps un gros problème avec ça. C'est vraiment aberrant, quoi, de voir ça, quoi, encore. Donc, j'espère que les prochains tournois, je dirais, la Coupe du Monde, ça sera plus comme ça, à part que Ouais. si l'Angleterre est éliminée ou quoi, mais s'ils participent pas, mais c'est tout le temps affolant, quoi. Si ça reste au Et... Qatar, ce sera difficile pour les hooligans Ah, ouais, anglais de, là, mais c'est... Ça sera une non-coupe du monde, ça. voilà. Pour moi, ça sera un truc aseptisé, comme si tu regardais un truc à la télé, sans spectateur dans les tribunes, tu C'est ça. vois. Ça va être Ah, tout vraiment à fait. Hein. lamentable, je crois. Mais tu sais, regarde, on est en 2016, ils sont arrivés à un point, au niveau du ticketing, de mettre des supporters russes et anglais dans la même tribune à Non, mais c'est Marseille. ça, c'est Mais la exactement ça. bêtise, mais elle est. Je veux dire, tant que l'argent a des raisons, là, y a plus d'histoire, quoi, en fait. On prend pas en compte les risques, en fait, tant que ça fait du pognon pour l'UEFA, en fait. C'est sûr, c'est sûr. C'est ça qui est grave, je trouve. On va passer au groupe C avec l'Espagne, la Yougoslavie, la Norvège, la Slovénie. L'Espagne et la Yougoslavie qui seront respectivement première et deuxième. J'ai pas trop de souvenirs de cette poule-là. Le seul match dont j'ai souvenir, c'est cette face Yougoslavie-Espagne. Magnifique. Je crois que c'est pour moi le plus beau match enfin niveau émotion, quoi, cette Ouais. Yougoslavie-Espagne. La Il y en a un autre Yougoslavie aussi. qui mène 3 buts à 2 à la 60 jusqu'à la 80e minute de jeu à peu près. Ouais. Et t'as l'Espagne qui va égaliser sur un penalty. Alors là, vraiment un penalty généreux à la 90e minute de jeu. Donc l'Espagne revient à 3-3. Et vraiment à la toute dernière action. T'as Alfonso qui met une reprise de volée et l'Espagne gagne la 80, ouais, c'est 95e minute de jeu qui gagne 4 à 3. Guarda, ponla Guardiola, ponla Guardiola, por Dios. Ahí estamos, vamos Guardiola, vamos, 15 segundos, vamos, 15 15 segundos. segundos. La va a poner Guardiola, la pone Guardiola. Arriba la busca Urzay, toca Urzay, Alfonsito chuta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira Camacho, mira Camacho! ¡Gol! Pour moi, c'est un des plus beaux matchs. Ah bon, il y en a d'autres, mais là, c'est niveau au niveau du jeu, Ouais, quoi. mais C'est niveau émotion, quoi. Nico, tu as eu aussi dans le même groupe C, tu as eu aussi Yougoslavie et Slovénie, la Slovénie qui gagnait 3-0 contre la Ouais, c'est vrai, Yougoslavie ouais, c'est vrai. et qui revient à 3-3. C'est pareil, c'était un match, c'était impressionnant comme match. Je sais pas C'est vrai. si vous en souvenez aussi. Donc Moi, c'était un groupe C. j'ai plus souvenir d'Espagne Yougoslavie parce que celui-là, je me souviens, il jouait l'après-midi, je venais de rentrer de l'école et j'avais vu la deuxième période. Celui-là, je m'en souviens bien de ce match, ouais, mais le reste, non, pas trop. Pas trop, pas trop. Bah, les Yougoslaves y reviennent en 10 minutes en fin de Ah compte. ouais. Les 3 buts en 10 minutes, tu vois. Et ils perdaient 3-0. Quoique si, maintenant que tu me le dis, Milosevic, qu'on connaissait pas trop, on connaissait le nom, mais pas pour le même. C'était pas le même joueur. Enfin, c'était pas du tout le même type. Parce qu'il y avait un Milosevic qui dirigeait la Yougoslavie à l'époque, et c'était pas Non, c'est pas le même. c'était pas un très un homme bien honnête. Et là, c'est vrai qu'on a découvert cet homme-là, Milosevic, qu'on a après un peu perdu sa trace. Il est parti justement après, il est parti à Parme, je crois, après l'Euro 2000. Mais ça s'est pas forcément très très bien passé. Puis après, il s'est perdu en Espagne. On n'a plus trop de nouvelles de lui. En plus, on parle de la Yougoslavie. C'est son dernier match, sa dernière compétition avant que la Yougoslavie Soit éclaté, ouais. soit éclatée. Ouais. Ouais. Ça fait. Voilà, donc bon, Norvège et Slovénie, 3e et 4e. Voilà, bon, c'était, je pense, pour l'Espagne, c'était une. C'était un match, c'était un groupe assez facile. Il y a juste la Yougoslavie, voilà, c'était peut-être son match le plus difficile. Et encore, l'Espagne qui perd son premier match contre la Norvège. Comme Ouais. quoi, Ouais, c'est vrai, l'Espagne n'était pas très bien partie, quoi. Non, mais en Là, je m'en plus, rappelle, ouais. t'as un joueur slovène aussi qui se révèle un peu au public, là, tu sais, avec les Vlaovic? cheveux longs. Vlaovic? Non, Oui. oui, c'était C'est ça. possible, Non. hein? Zlatan Zaovic. Vlahovic, ouais. Non, C'est je peut-être. confonds avec un. Non, oui, un Ah non, Slovène, Vlahovic. Zaovic, ouais, c'est ça. Ouais. Vlahovic, ouais. Et en fait, il se révèle un peu au public, donc l'Espagne, en fait, ils sont pas rassurés pour jouer contre la Slovénie. Après, il n'y a pas forcément la confiance, quoi. C'est vrai. Mais c'est pareil, c'est un match qui se jouait dans un petit stade encore, je crois que c'était à Eindhoven, mais je suis pas sûr. Ou à ouais, ça doit être ça. Ou à, tu sais, le stade Geraldom là de. Enfin, Lequel c'était un tout petit. Ouais, un le tout petit stade. Slovénie Yougoslavie? Faudrait que tu vérifies, C'est à ouais, cette Charleroi que histoire. ça se jouait. Charleroi, mais 15 000 contre l'Espagne. Ah, Ouais, contre voilà. l'Espagne. Le Slovénie-Espagne, ça se jouait à l'Arena. Ouais, voilà. Ah, Amsterdam quand Ouais, même. ça se jouait à Ah, Amsterdam, ouais. d'accord. Ah ouais. Mais bon, c'était pas un groupe facile hein, quand même pour l'Espagne, hein, parce que ça jouait technique, hein, ça. Oui, c'est vrai. Bah, à part la Slovénie, c'était sa première, je crois que c'était sa première Ouais. participation à un euro. Après la Norvège qui était sortie de la Coupe du Monde 98 avec les honneurs quand même. On attendait beaucoup plus de la Norvège que de la Yougoslavie, quoi. C'est vrai que la Norvège a peut-être un peu plus déçu que la Yougoslavie. Ouais, mais bon, après, la Norvège, ça repose sur deux trois joueurs, Ouais, quoi, voilà, c'est ça. avec Solskjær, Tore André Flo et Rekdal, je crois. Il y a pas grand monde, quoi, en fait, hein. Mais Nico, tu dis ça parce que la Norvège avait fait une bonne Coupe du Monde 90. Oui, C'est ça, c'est ça. ça, ouais, c'est pour ça qu'elle avait fait un meilleur parcours que la Parce que Yougoslavie, mais bon. ils avaient battu le Brésil, donc c'est Ouais, pour ils avaient ça que battu le aussi. Brésil, ouais, voilà. Et juste à noter pour le Espagne-Norvège, vous savez, enfin, je sais pas, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Quand j'ai dit tiens, et pourquoi pas on ferait un truc sur l'Euro 2000, il y a un arbitre qui a donc l'arbitre qui a arbitré ce match Espagne-Norvégien, c'est un Égyptien. Ouais. Et normalement, c'était des arbitres Des européens qui des Européens, Européens. ouais. Oui, européen, ouais. Et tu vois, c'est le seul arbitre pour le moment à avoir arbitré un match de Coupe d'Europe et à ne pas être européen. Alors je sais pas pourquoi, là j'ai pas l'histoire, Ouais. mais voilà. C'est étonnant. Et c'est le même qui était à l'origine de la controverse de Corée du Sud-Espagne en Coupe du Monde 2002. Ah, D'accord. d'accord. Incroyable. Voilà. C'est Gamal Al-Gandour. Comme quoi tu retrouves des fois des liens dans le passé avec Voilà, des arbitres. exactement, plus Voilà. l'Espagne, hein, qui Ouais. perd 1-0 contre la Norvège. Non, mais enfin voilà, c'est Ouais. bête, mais voilà quoi. C'était bon, C'est c'était une sûr. petite anecdote à sortir. Voilà donc le groupe C et enfin le groupe D, le groupe de la France. Donc on va s'attarder peut-être un petit peu plus sur ce groupe-là. Donc le groupe de la France avec les Pays-Bas, la République tchèque et le Danemark. Là, c'est quand même un groupe assez relevé pour l'équipe de France. Ouais, t'as le vice-champion du monde, le champion d'Europe, pardon, et le champion du monde. Voilà, il y avait Et un petit une petite revanche à prendre sur cette équipe de République tchèque. Ouais, petite, ouais. Ouais. Mais bon, finalement, tu sais, au bout de 4 ans, la France a été championne du monde Voilà. et les Tchèques n'ont jamais eu de trophée, quoi. Voilà. Donc, Mais bon, il y avait quand même un petit truc ouais. à régler entre eux. Donc le premier match de l'équipe de France, c'est contre le Danemark. Bon, le Danemark est toujours une équipe assez difficile, quoique peut-être un peu plus sur le déclin de Danemark, hein, de toute façon. Ouais, ils sont fatigués, hein. Depuis Voilà. 92, nos amis danois, ils sont fatigués. Voilà. Et manque de peau, ce jour-là, il fait chaud. Il fait Donc, chaud. Ouais. ça leur a pas plu, hein. Ça se joue à Bruges et la France explose le Danemark 3 buts à 0. Exactement le même score que contre l'Afrique du Sud en 98. Donc pour le moment l'équipe de France commence bien ses matchs de compétition. Bon, ça s'arrêtera en 2002 malheureusement. Avec l'ouverture du score de Laurent Blanc, un but de Thierry Henry, un but voilà, enfin, ses buts favoris avec Plat sa du frappe pied. à plat du pied enroulé. Ouais. Au deuxième poteau, il s'est trompé dans sa reprise, Wisgaard. Et ça va repartir de l'autre côté. Henry avec Zidane qui va relancer Thierry Henry. Allez, il faut accélérer, ça fait du 2 contre 1. Parce qu'au deuxième poteau, il y a Anelka, il y a une occasion de but là pour les Français. Henry, allez, tout seul, 2-0. Oh, quel chef-d'œuvre de Thierry Henry. 2-0, 63e minute de jeu. Et encore peu après le quart d'heure de jeu, les Français qui mettent coup d'assommoir aux Danois, 2-0, ça semble vraiment très très bien parti pour les champions du monde. Avec un contre rapidement mené, une balle donnée directement à Anelka, et là c'est le Thierry Henry, le Titi que l'on connaît, qui part de la gauche et qui se replace et qui revient vers le centre pour se retrouver avec un tête-à-tête face à Schmeichel et lui passer du plat du pied, de l'intérieur du pied, rentrant au second poteau. Et puis son accélération Pleine sur bourre. accélération sur le côté gauche. Et enfin Wiltord qui marque sur il était peut-être un petit peu hors jeu hein, sur le troisième but. Je me Ouais, c'est rappelle que ça avait possible, fait un ouais. petit peu de grabuge, mais sans gravité. De toute façon, la France menait déjà 2 à 0. Donc ça s'est mieux passé que si la France avait gagné 1-0 sur ce but-là, quoi. Voilà. Et donc une équipe de France qui entame très très bien son parcours. Moi je sais pas, je la sentais bien cette équipe de France de toute façon. Hein. C'est vrai qu'on avait gagné, on était champion du monde. Bah tu retrouves le jeu que tu retrouvais pendant la Coupe du Monde, t'étais pas vraiment inquiet en fait. Ouais, t'étais pas dépaysé, et puis tous les joueurs avaient progressé, en fait, c'est Ouais. ça. Comparé à des équipes justement comme le Danemark ou je sais pas, l'Allemagne, qui sont en complet déclin, en fait. Ouais. Et là, la France, elle est en progression avec justement 2-3 joueurs qui font la différence par rapport à 98, comme Anelka et comment dire, il y a Wiltord qui est là maintenant aussi. C'est vraiment une équipe, tu sens qu'elle va aller en finale, hein, Puis c'est c'est pareil, les joueurs aussi ont évolué au niveau des clubs. Joao Henry, ouais. donc il était parti à Arsenal. Bon, Wiltord, il était resté sur Bordeaux, mais voilà, il avait été champion de France l'année d'avant. Voilà, Ouais. bah, Laurent Blanc, il était parti à l'Inter Milan. Tu vois que même Laurent Blanc, lui qui avait déjà voyagé à l'étranger dans sa plus jeune carrière. Tu vois qu'il est quand même encore intéressant au niveau du jeu. Ouais, techniquement, Voilà. tout ça. En plus, je sais pas si vous vous souvenez du premier but, hein, mais franchement, c'est un superbe action collective. Laurent Blanc qui joue en 1-2, comme ça, qui passe pour Anelka qui bute sur Schmeichel, et puis ben Laurent Blanc qui suit, qui marque. Le premier but, il est beau quand même aussi. Hein, c'est une belle action collective. Hein. Ensuite, on passe. Vas-y, excuse-moi si tu veux rajouter quelque chose dessus, Yaya. Non, ouais, pour moi c'était un match très serein avec une attaque explosive quoi. Donc, comme là, je te disais, Titi Henry en pleine bourre, et puis on a 3-0 avec la manière, quoi. Donc le premier match, bon bah voilà, on est confiant et je pense qu'on peut aller loin, et puis déjà sortir de ce groupe tranquille quoi. Pour moi, enfin, moi, je me souviens, je me souviendrai toujours, je me disais le vrai test, ce sera contre les Pays-Bas. Parce que voilà, les Pays-Bas, eux, par contre, contrairement aux autres équipes, c'est quand même une équipe qui était encore qui stagnait bien au niveau en haut du football européen, quoi. Ils étaient encore ils avaient encore une belle équipe, hein, les Pays-Bas. Mais après, bon, par rapport, tu sais, aux matchs qui se sont déroulés, les deux premiers, la France n'avait rien à jouer au dernier match, quoi. Ouais, Donc, voilà, mais c'est pour ça. finalement, ça a été un pétard mouillé un peu, C'est quoi. ça. Bon, on va passer vite fait des Pays-Bas qui battent la République tchèque 1-0. Ensuite, République tchèque-France. Et la France qui bat la République tchèque 2-1. Donc l'ouverture du score de Thierry Henry. Ensuite, c'est un pénalty. Alors imaginaire celui-là. Alors c'est pas qu'il est imaginaire, je me trompe. C'est que en fait, c'est Deschamps qui veut récupérer le ballon et qui tacle, je me rappelle plus quel joueur. En fait, la Nedved, faute peut-être, non? devait être juste avant la surface de réparation. Donc normalement, il y aurait dû y avoir coup franc. Et l'arbitre siffle un pénalty que va transformer Karel Poborski. Donc un partout et en seconde période, ce sera Djorkaeff avec un but à la Djorkaeff. J'avais vu Nedved encore à l'entrée de la surface de réparation. Heureusement, Patrick Vieira est intervenu à bon escient et ça repart via Zinedine Zidane. Djorkaeff, ça va vite. Djorkaeff qui lance Thierry Henry face à Repka. C'est passé devant Repka. Thierry Henry toujours. L'arrivée de Djorkaeff. Oui! Et but pour Djorkaeff. Après 1 heure de jeu, l'équipe de France qui reprend l'avantage. Ça pouvait pas rester un partout sur un super mouvement de contre-attaque. Merci Thierry Henry parce que regardez ce travail et ce ballon mais limpide donné à Djorkaeff qui place la balle hors de portée de Černíček. C'est le meilleur buteur de la sélection française des 22 de Roger Lemaire. Bravo au coaching de Roger Lemaire qui est déjà payant. Il va se faufiler dans la surface et il va marquer le but. Et donc la France qui gagne 2-1 et qui est pratiquement qualifié, enfin qui est qualifié pour les quarts de finale, à savoir pour le dernier match qui sera entre la Pays-Bas et la France, premier ou deuxième. Bon, on va en arriver là, ça va être France-Pays-Bas, ça se joue à l'Arena d'Amsterdam. Et la France va perdre 3-2. Et pourtant, ils débutent bien le match, ils ouvrent Ouais, le score avec une avec. équipe de remplaçants Voilà, avec pratiquement. ouais, une équipe de remplaçants, Dugarry qui marque voilà de la tête. Sur un corner de Wiltord, peut-être. Voilà, et c'est le truc complètement fou, c'est que t'as l'impression que les Pays-Bas, ils s'en foutent. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent. Il y a ce corner-là, ils ont. Tu vois, t'as Davids, il est sur le poteau de corner, il protège le premier poteau, mais il est tout cool, quoi. Tu sais, il se tient le bras sur le poteau, tranquille, il attend que l'action se passe, sauf qu'il y a but, quoi. Voilà. Et donc Dugarry couvre le score. Ensuite c'est Kluivert qui va égaliser à 14e minute de jeu. La France va reprendre l'avantage avec Trezeguet. Un but à la Trezeguet, hein, un but de renard des surfaces. Et ensuite, eh ben, la France va petit à petit un petit peu se relâcher. La grosse erreur défensive, il y a un coup franc pour les Pays-Bas. Et là, la France, bah, il n'y a pas de mur. Je crois que t'as deux joueurs qui font le mur, un ou deux joueurs, et là le Pays-Bas qui tire directement le coup franc. Vient de se débarrasser dans un premier temps de Vieira. Mais Vieira est revenu à la charge et a commis une faute. Et c'est un coup franc. Gare à ce coup franc. Et c'est Bergkamp qui prend l'initiative de frapper. Et c'est au fond des buts de Bernard Lama qui a été surpris comme toute la défense française. Franck Debourg n'a pas attendu le coup de sifflet de l'arbitre. Le mur n'était pas en place. Bernard Lama en rage. Parce qu'il y a un manque de vigilance. Et derrière les Français qui pécachent. Deux buts partout après la 51e minute de jeu. Le capitaine néerlandais relance son équipe. Et Lama qui remplaçait Barthez pour ce match-là, Que ouais, qui est mal placé, qui est hein. mal placé. Je pense que lui il voulait Je faire un sais pas ce mur. qu'il a voulu faire. Il nous a fait une action un peu comme il faisait au PSG où il prenait des ballons sous la barre en étant trop avancé ou pas attentif, je sais Est-ce pas. que vous pensez que si Barthez avait joué ce match, je pense que Ouais. ça aurait pris une autre tournure? Ouais, je pense, Parce mais que là, déjà c'est des buts. il Là, se les prend buts, pas. voilà, les buts pris par la France, c'est des buts à la Bernard Lama. Parce que contre l'Islande, Typique. souvenez-vous, c'était Bernard Lama qui était au but, et il s'est pris exactement un même but. Il s'est pris un but sur coup franc. Et le deuxième but, il s'est pris un but que normalement Barthez, lui, arrêtait tout le temps, quoi. Donc je pense que c'est Bon, on va pas lui foutre la défaite sur son dos à lui, hein. Il y a quand même eu un relâchement de l'équipe de France aussi, hein. Voilà. Bah, ce que j'ai toujours reproché à Lamin, moi, c'est que sur des ballons plus ou entre guillemets faciles, des frappes de loin où il n'était pas assez attentif et concentré, quoi. C'est vrai. Et combien de fois au PSG il a fait des trucs comme ça, quoi, relâcher le ballon derrière sa ligne ou des choses comme ça, c'est incroyable, quoi. Ou mettre le ballon dans ses filets en le prenant à ras de terre, enfin, Ah, de toute façon, là, Lamin, c'est... il était sur la fin de sa carrière, hein. Je crois qu'il arrête sa Ouais. carrière 2 ans après. Là, il était revenu au Bah PSG en ouais. plus, là. Quand c'est ça, quand il part à West Ham, c'est ça là, je crois. Ben, il est parti en West Ham, hein, en Ouais. 98 pour être Là, c'était la deuxième fin, là. gardien. Et après, il revient au PSG, mais bon, c'est pas le PSG de la grosse époque. Là, c'est plus Ah, un c'est. PSG, Ouais. un PSG un peu sur le déclin aussi. Ouais. Voilà, donc la France va perdre 3-2. Donc du coup, c'est les Pays-Bas qui passent premier, la France deuxième. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Bah, pas grand-chose. Elle a peut-être un petit peu déçu face aux Pays-Bas, même si elle a fait son job en battant le Danemark et la République tchèque. Ouais, avec un super Zidane en premier tour quand même. Ouais, Hein. c'est vrai. Contre les Ouais. Tchèques, il a fait une démonstration de roulette. Qui sont passés au ras dans les zappings des best-of de l'Euro 2000 sur toutes Ouais. les télés pendant des années, quoi. C'est vrai. Je me Puis souviens, un impressionnant aussi Titi Henry aussi qui était pas mal aussi les ouais. deux Ouais. premiers matchs aussi. Ah bah il a Il marqué était ouais, pas mal. il a marqué ses deux premiers buts, il en marquera 3 je crois pour cet Euro. Et donc on arrive au quart de finale. Donc premier match c'est Portugal-Turquie, victoire du Portugal 2-0. Ensuite, il y a un Pays-Bas-Yougoslavie, et là, la Yougoslavie qui se fait exploser 6 buts à 1. Ah, c'est incroyable ça. Ouais. Là, je me souviens de ce match, la Yougoslavie qui a pas touché un ballon de la première période. Enfin voilà, il y avait 2-0 à la mi-temps, mais bon, tu te disais, voilà, les Pays-Bas, ils vont tranquillement gérer le score. Et puis non, en deuxième période, ils y vont et ils te mettent 4 buts de plus, quoi. Ouais, c'est dingue ça. Mais c'est le genre de match où si t'es pas pour l'équipe si t'habites pas dans le pays de l'équipe qui gagne le match tu le zappes, tu t'en vas quoi. Bah c'est ça Parce le truc. que Et je pense que la Yougoslavie aurait préféré parce que je sais pas s'ils savaient à l'époque que c'était leur dernière compétition. Hein. Je me rappelle plus comment ça s'est passé après l'éclatement de la Yougoslavie. Mais Ouais. là, je pense qu'ils auraient préféré sortir autrement, quoi. Que par Ouais, une c'est humiliante évident. défaite, quoi. Hein? Et donc l'autre match c'est l'Italie contre la Roumanie, victoire des Italiens 2-0. Ça s'est tout passé en première période avec but de Totti et Inzaghi. Et enfin ce match de la France contre l'Espagne, hein, un gros morceau. Et alors l'Espagne qui avait fait une Coupe du Monde 98 totalement pourrie. Mais pour cette c'est vrai que pour cette Euro, elle s'est quand même un petit peu plus elle s'est elle a remonté un peu la pente quand même. Et la France va difficilement battre les Espagnols 2 buts à 1. Et c'est vrai que là Zidane va être aussi sur son grand jour, hein. Zidane qui va marquer un sublime coup franc là en Ouais. 32e minute de jeu. Super. Ouais, superbe coup Ça franc c'est donc. l'après-midi, je crois. Non C'était non, ça l'après-midi c'était en non, plus. ça c'était joué le soir celui-là. Ce soir? Ah Ah bon. ouais. Ah ouais. D'accord. Et Ok. ensuite c'est Mendieta sur penalty qui égalisera. Bon là il n'y a rien à dire sur le penalty, il est valable. Hein. Arbitré par Pierluigi Collina. Hein. Le Et fameux le Colina. fameux Ouais. Collina, oui. Ouais. Certains encore peut-être en travers de la gorge la finale de la Coupe UEFA 2004. Hein. Ouais, Ouais, il manquait tellement de joueurs dans cette finale que franchement. voilà, bon enfin bref. Et Ouais. Youri Djorkaeff qui donnera la victoire c'est toujours en première période, hein, de toute façon. Il marque à la 44e minute de jeu. Superbe frappe de Ah oui. Djorkaeff. Un but à la Djorkaeff, encore une fois. Hein, Guardiola. Bonne anticipation de Lissarassu avec Vieira. Vieira. Vieira. Et bien joué, Djorkaeff. Et but! Quel but! Quel but de Oh, quel but et Djorkaeff! quelle action de Patrick Vieira! Oh, quel but et quelle action! Magnifique Patrick Vieira et somptueux Youri Djorkaeff. Il y avait tout, de la perforation dans le dribble de Patrick Vieira qui est allé, qui a insisté, insisté, insisté, qui a fixé toute la défense espagnole dans l'axe, qui a décalé Djorkaeff. Et le plus dur restait quand même à faire, car il attrape au premier poteau la lunette de Canizares. Et bien là, il n'y a plus de ménage à faire, la toile d'araignée, elle n'y est plus. Somptueux, extraordinaire but de Youri Djorkaeff. Et la similitude avec France République Tchèque est totale. Il avait un style de style vraiment à lui, quoi. Remarque, celui-là qui met le deuxième, il faut le mettre quand même. Ah, faut le mettre, ouais. Parce que c'est une frappe du gauche, je crois, qui va en pleine lucarne. Ouais, sous la barre. Ouais, mais sous la barre, au premier poteau, je crois. Ouais. Je crois un truc comme ça. Ça, c'est un superbe but. En seconde période, il n'y aura rien du tout. Donc, victoire de la France 2 buts à 1. Voilà, c'était un deuxième gros test. Mais là, bon, bah, la France s'est pas relâchée et a remporté ce match. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est logique. Bah, comme dit Gabi, Zidane au top, là. Voilà. Zidane au top, clairement. Rien à dire. Je sais pas si Zidane à la fin de l'Euro il a été élu meilleur joueur ou quelque chose comme ça. De toute façon il a été élu. Je sais pas qui est le meilleur. Non, le meilleur joueur, je ne sais pas. Tu vois, il n'y a rien de marqué ici. Là, je suis sur Wikipédia. Donc, excuse-moi. Zidane élu meilleur joueur du tournoi. Ouais, oui, excuse-moi. Ouais, voilà. Si me semblait. Ce qui est tout à fait logique. D'autant 98, on l'avait vu un petit peu, mais pas énormément, parce que bon, déjà il avait été expulsé et puis bon bah il s'est plus réveillé en finale. Contre l'Italie déjà. Ça avait été un beau match. Mais là pour cet Euro 2000 là, tu vois que c'est quand même un joueur exceptionnel, quoi. Ouais, c'est sympa. Juste pour vous dire, France-Espagne. Il y avait Guardiola qui jouait dans l'équipe. Il y avait Guardiola à l'époque, quoi. Ouais. Ouais. Ouais. Ah, il y avait une belle équipe à l'époque d'Espagne. Hein. Ouais. Bah oui, ouais, il y avait une bonne super équipe. Quoi. Avec Canizares, bah, t'avais beaucoup de joueurs du FC Valence qui étaient dans l'équipe d'Espagne. Salgado, tout ça. Ouais, Salgado. Ouais, t'avais une belle. T'avais une très très belle équipe. Il y avait Munitis, là, vous vous souvenez, là. Non, je ne m'en souviens pas de lui. Le Balbuena espagnol, qui courait partout à ce moment-là. Ouais, je me rappelle, ouais. Munitis, t'avais Alfonso. Bah, Alfonso, là, qui avait marqué contre le. La Yougoslavie, qui signera l'année d'après à Marseille, qui jouera quoi 4 matchs, tu sais, c'était trêve hivernale, il était venu, il avait joué quoi 4 matchs et puis il s'était barré après. Enfin, c'était vraiment l'époque là où Marseille c'était les méandres, le folklore du football français aussi. Hein. C'est vrai que. donc voilà, la France qui gagne 2 buts à 1, qui est en demi-finale. Et là, la demi-finale, on va parler de la première demi-finale contre l'Italie et les Pays-Bas. Ouais, donc, c'est un match incroyable quand même, celui-là, parce que donc 0-0, les Pays-Bas sont tellement sûrs de gagner que... Ouais. 0-0 au temps réglementaire, pas de but en prolongation, et c'est l'Italie qui battra donc les Pays-Bas au tir au but 3 buts à 1. On a vu, je me souviens, moi j'ai plus trop de souvenirs de ce match-là, je me souviens juste d'un Davids très mauvais perdant qui était toujours en train de râler après l'arbitre. Je me souviens de ça, tu vois. Et moi, je me souviens surtout de lui aussi parce qu'il courait partout, même après 120 minutes, là. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment suspect, moi. Moi, j'ai vu ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'il jouait à la Juventus? Ouais, aussi. Par contre, une question, parce que là, ça s'est fini au pénalty, mais à la finale, c'était le but en or. Pourquoi on l'a pas fait en... Ouais, mais là on l'a pas fait pour. Mais si on l'a fait, mais il n'y a pas eu de but. Ah ouais, d'accord. Tire au but directement. C'est pas comme il y avait en 96 avec le Allemagne République Tchèque que fallait que le but en or qu'ils attendent même que ça dépassait 120 minutes, non? C'était pas ah, ça. Non. C'était pas. Non. En 96, c'était le but en or normal. Hein. C'était la première année où il y avait eu l'instauration du but en or. En 2004, t'as eu ce fameux truc tout pourri du but en argent. Ouais. Alors Ah ça, mais franchement, mais c'était d'une connerie monumentale, le but en argent, ça voulait dire que si t'avais marqué en première période de prolongation, bah tu voilà, remportais le match. Voilà, c'est là ce que je voilà, pensais, c'est que tu confonds avec 2004, ouais. Et là, d'accord. voilà, donc bon, bah, il n'y a pas eu de but, et donc l'Italie qui est en finale. Et enfin, l'autre demi-finale, celui de l'équipe de France face au Portugal. Et là, c'était un match très très très très très difficile. Avec un joueur qu'on ne connaissait pas et qui va un petit peu se révéler pendant cet Euro, c'est Nuno Gomes. Donc qui va ouvrir le score, logiquement. Eh bien, on se craint pour l'instant. Je peux vous dire qu'on est très attentif au placement, au replacement. La belle Javier s'appuie sur Sergio Conceição qu'on n'a pratiquement pas vu depuis le début de rencontre. Lui, auteur du triplé, du coup du chapeau face à l'Allemagne. Oh, Nuno Gomes! Nuno Gomes qui ouvre le score d'une façon incroyable et remarquable. Une frappe tout aussi soudaine que remarquablement placée. Barthez n'y peut rien. 1-0 après 19 minutes de jeu à peine, c'est le Portugal qui prend les devants dans ce match. De toute Ouais, façon. c'est franchement, ça c'est un match que je voudrais plus jamais revoir parce que enfin au niveau stress et intensité quoi, c'était vraiment moi je trouve que ce match-là, je l'ai plus mal vécu Ouais, mais moi aussi. que à France-Brésil en finale d'une Mmh, Coupe du Monde c'est quoi. vrai. L'appréhension, je veux dire. Parce que je savais que ça allait être vraiment tellement dur que tu pourrais pas savoir avant les 5 dernières minutes du match, quoi. Et Surtout que là, c'est c'est ce la qui s'est première fois passé. en plus que la France est menée 1-0. Donc là, tu te dis Ouais. comment est-ce qu'ils vont réussir à faire? Et tu vois que la France, elle peine, hein, ils ont beaucoup d'occasions, ils y arrivent pas, Ouais. la France, hein. Non, mais ce qui est bien, tu vois, c'est que le Portugal a marqué au début du match, en fait. Et ça frappe en pivot, là, c'est mais. Je dis pas que c'est un exploit, mais je sais même pas si dans le jeu même ils auraient pu marquer un deuxième ou troisième but. Parce que l'équipe de France, elle a tellement bien défendu qu'ils se sont pris un but sur un exploit de Nuno Gomes là. Donc en frappant pivot aux 16 mètres, il est incroyable ce but quand tu le revois. Ah, il est beau, hein. Il est beau, hein. Hein. Ouais. Parce que enfin, ça lobe un petit peu Barthez en plus. Bah il est pris à contre-pied en fait, il Voilà. peut rien faire. Et c'est à noter que c'est quand même la troisième demi-finale d'affilée de la France en dans une compétition internationale. Ouais. Ouais. Consécutive, tu veux dire ou Consécutive, ouais, ouais. 96 contre la République tchèque où ils perdent au tir au but. 98 avec contre la Croatie. Et puis ben là justement 2000 contre le Portugal. Et donc 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Et c'est Henri qui égalisera à la 52e minute de jeu. Mais c'est pareil, ça a été dur de marquer ce but-là. Les Français, ça les énerve. Et ils voient le temps s'écouler. Comment c'est Nicolas Anelka, pas de hors-jeu de signaler, il va pouvoir se retourner. Aïe! Égalisation de Thierry Henry, qui avait choisi de prendre ce ballon. On est à la barre d'Emmanuel Petit, il a effectué le bon choix. Eh ben. Égalisation après même pas 6 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Eh bien ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais quel exploit de Thierry Henry, d'abord aussi d'Anelka qui a fourni un très très bel appel sur le côté. Ouais. Et puis Là. si tu regardes la manière dont il a été créé, ce but-là, Oui. c'est oh là là là là, le stress qu'il y a pour faire les passes, mon Dieu. Ah, puis Oui, il y avait c'est un Victor Baia qui était excellent aussi dans les buts. un Victor Baia, Le oui, c'est gardien sûr. portugais. Ah ouais. Et donc ça en reste, on en restera là à la fin du temps réglementaire. Prolongation, et pour moi ça c'était interminable cette prolongation. Ouais. Cette prolongation, la France je trouve qu'elle a eu énormément d'occasions, mais c'est pareil, souvent trop hors-jeu, souvent c'était pas la dernière passe était pas bonne. Voilà, il y a eu beaucoup d'occasions gâchées, et là c'est vrai que le stress montait, montait, montait, et tu te dis, allez, ça y est, on va encore se taper une séance de tir au but. Ouais. C'est quitte ou C'est double, quoi. dans ce match-là, à la fin, que je crois que t'as Robert Pires dans les vestiaires qui parle à je sais plus qui dit mais je les connais tous ces joueurs-là, j'ai joué contre eux pour la qualif pour les Jeux Olympiques Bah, et ils avaient perdu justement. ouais. Non, c'était même au JO. Non, attends. Ouais, c'était Ils pour étaient la. au JO déjà? Ils étaient au JO, ils avaient perdu contre eux au tir au but justement. Ouais. Il a dit que c'était les mêmes joueurs et Ouais. qu'il savait que ça allait être horrible ce match, quoi. C'est vrai. Il a prévenu tout le monde, je veux dire. Et il y a eu ce fait de match, 117e minute de jeu, alors que ben on arrivait tout droit vers une séance de tir au but. Il est bien parti, Wiltord, bon appel. Il y a beaucoup de monde, mais il peut rester dans l'axe. Trezeguet face à Vitor Baia, Wiltord. Et c'est sur le poteau, on réclame une main côté français. Ouais, on réclame une main, mais que peut-on reprocher à un défenseur qui se protège avant tout? L'arbitre assistant qui réclame Monsieur Benko. Ah, et il y a peut-être pénalty. Il y a pénalty. Alors que va faire Monsieur Benko? Non, attendez, oui, il y a pénalty. Il y a pénalty. Pénalty pour l'équipe de France. Sur les ordres du Belge, l'arbitre assistant Roland Van Milen. Alors c'est la main, c'est clair. Il y a un geste de la main vers le ballon, c'est un mouvement intentionnel. C'est un mouvement intentionnel de la part d'Abel Javière qui condamne peut-être son équipe. Oh, c'est terrible, quel dénouement un peu cruel et dramatique. Il y a main. Et là, tout de suite, c'est un peu confus quand même au début parce que tu penses pas qu'il y a pénalty. Tu vois Abel Javière qui est par terre comme si de rien n'était. Et là, tu vois, t'as Trezeguet qui arrive vers l'arbitre en disant qu'il a fait une main. Et en fait, bon, bah, il y a pénalty pour la France. Il va voir l'arbitre de touche, c'est pas ça? Bah, il va... Ouais, mais c'était disputé, ce pénalty-là, parce que les Portugais n'étaient pas d'accord du tout. Donc de ça. Ah, mais eux, de toute manière, à partir du moment où il n'y a pas de caméra pour dire qu'il y a faute, il n'y a rien, quoi. Ouais. C'est pas vu, pas pris avec eux, donc faut pas chercher. Sauf que à quand tu regardes vraiment le... Alors, c'est pas sur la première caméra, mais je voyais, c'était sur la deuxième ou troisième, où là, tu voyais que il était... bah, Il a son bras qui est décollé du corps et qui ça touche la main, donc il y a main, quoi. Et quand il se met au sol, il cache son bras sous son torse, en fait. Ouais. Tu sais, comme si il s'était fait mal quelque part. Comme s'il s'était fait mal, histoire de douleur, en fait, au moment où l'arbitre siffle pénalty, quoi. Et là, il y avait un petit moment d'incompréhension. Il a voulu couvrir le pénalty, quoi. Et dire que s'il n'y a pas pénalty, qu'il y a une faute sur lui, quoi. Sauf que malheureusement, bah, la caméra était au bon endroit. Et donc pénalty que va transformer Zidane. C'est son 16e but en équipe de France à Zinedine Zidane, mais c'est certainement le plus important, peut-être avec ceux de Brésil-France en finale de la Coupe du Monde. Et là, c'est un but en or, donc la France est en finale de l'Euro. Fin de match assez explosive, hein. Je crois qu'en plus, Abel Javière, il va cracher sur l'arbitre. Ouais, non, mais c'était lamentable, hein. Comme on disait tout à l'heure, Nico, avant le podcast... Ils sont très très mauvais perdants, les Portugais. Quand ils gagnent, tout va bien, mais dès que ça va pas, très mauvais joueurs. Hein. C'est comme à la Coupe du Monde 2006, hein, contre les Pays-Bas, hein, où le match c'est une boucherie, tu sais. Ouais. Et ils se donnent des coups dans tous les sens, des tacles à en donner par-ci par-là. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, l'histoire de Abel Javière qui... Il l'a toujours nié, quoi. Il a toujours nié. Il a puis... jamais accepté. Ouais. Il a jamais dit que c'était volontaire, quoi. Ouais. Et quand tu regardes le ralenti, il y a aucun angle de caméra vraiment qui te montre le bras. C'est vrai. Ouais. Par contre, la balle, elle est prise par un obstacle qui n'est pas dans le champ de vision. Mmh. Et à part son bras, il y a rien d'autre. Donc ben, c'est ça. C'est ça le truc. Voilà. Donc bon ben voilà, tant mieux pour nous, la France qui est tant mieux pour nous, de toute façon c'était, il y avait pénalty, donc on peut pas dire tant mieux, c'est comme ça, quoi. Hein. Donc la France qui est en finale contre l'Italie, donc pas de match de troisième place, hein, à l'Euro. Enfin c'est la seule compétition continentale où il n'y a pas de match de troisième place. Et donc la finale le 2 juillet 2000 contre l'Italie. Gros match qu'attend les Bleus. Et on va en parler. Un match à Rotterdam, Rotterdam, un match plein. La TF1 qui prend l'antenne dès l'après-midi pour un peu comme la finale de la Coupe du Monde, hein, pour montrer un peu les Bleus juste avant le match, ils montrent le bus, l'engouement des supporters, voilà, ils recommencent comme en 98. Et là, par contre, ça va être un match vraiment beaucoup plus disputé, beaucoup plus compliqué. 0-0 à la mi-temps. Après, est-ce que tu te souviens, toi, Gabi, par exemple, de cette première période? C'était un match quand même bien Ouais, très disputé, quoi. fermé, Ouais, très très fermé, ouais. fermé. Bah, en fait, c'est pour ce match-là, pour une fois, j'étais pas allé le voir avec du monde. On l'avait regardé à la maison, en fait, avec la famille. Et Ouais. puis, Vous étiez pour et l'Italie? sincèrement, à la mi-temps, c'est pas que ça m'intéressait plus, mais je pensais aller faire autre chose. Ouais. Sincèrement, hein, j'ai pas vécu du tout la finale comme j'ai vécu la demi-finale, tu vois. Bon, déjà, le fait que je sois à moitié italien d'origine, Voilà. tu vois, ça, Et toi, pour ta moi, c'était famille était fixe. pour l'Italie alors? Bah, moi, c'est plus les grands-parents qui sont Ah ouais, italiens, si tu veux. d'accord. Mais le fait que ça soit l'Italie et la France en finale, pour moi, c'était fini l'Euro, en fait. Ah ouais. Bizarrement, moi, j'ai vécu ça comme ça, un peu comme les Argentins, si tu veux, qui regardent, qui sont à moitié français et argentins, Ah bah quoi, oui. qui voient la France-Argentine en finale. Ah ouais. Je veux dire, pour moi, j'ai pas vécu vraiment, j'ai pas de grands souvenirs de cette finale, mais j'étais content pour comment ça s'est terminé, si tu veux, quoi. Ouais. Mais non, sincèrement, un match très ennuyeux, hein. Ouais. Très très ennuyeux. Une finale vraiment dans la tradition ennuyeuse. Ouais. J'ai pas d'autres mots, je sais pas, je me suis Ah ouais, vraiment fait chier. tu t'es emmerdé, ouais. Et toi, Ouais. Yaya, ce soir-là, t'étais où? J'étais chez un couple de copains, Ouais. pareil, on a suivi le match tous les quatre avec nos femmes, et pareil, comme dit Gabi, première mi-temps très ennuyeuse, j'avais des doutes parce que l'Italie c'est quand même le pays aussi du football, Ah oui. et j'avais des doutes, quoi. J'ai à la mi-temps, et puis je voyais qu'on se crée, il n'y avait pas d'occasion vraiment percutante Ah, c'est de ça, l'équipe de hein. France. Et après, l'Italie commençait à venir un peu. Donc voilà, première mi-temps, je savais pas trop, quoi. Donc c'était un peu un point d'interrogation, et savoir la deuxième mi-temps, ça va changer? Roger Lemaire va changer quelque chose en deuxième Ouais. mi-temps. J'ai oublié de le faire, je vais le faire maintenant. Je vais dire la composition des deux équipes. Donc pour l'équipe de France, ça change pas trop. T'as Barthez, Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu, milieu de terrain, Vieira, Deschamps, Djorkaeff, Zidane, et en attaque, Christophe Dugarry et Thierry Henry. Voilà. Et pour l'Italie, Toldo au but, Cannavaro, Nesta, Iuliano et Pessotto en défense, Albertini, Di Biagio, Maldini et Totti en milieu de terrain, et Stefano Fiore et Marco Del Vecchio en attaque. Voilà, c'est quand même, c'est pas une équipe de bras cassés non plus qu'il y a en Italie, hein. Ouais. Je pense qu'à l'époque, y avait pas mieux, quoi. Au niveau du milieu de terrain, ouais, c'est possible que c'était une des meilleures Ah oui. ossatures. Ouais, je vois pas qui tu pouvais mettre de mieux en Italie. Et là, c'était vraiment une bonne équipe d'Italie, quoi. T'as Et encore puis moi, l'ossature de la Juventus, quoi, pratiquement c'est vrai. encore. Et Et moi, t'es. ce qui m'a Voilà. dit. Pardon, ben, Gabi, vas-y, excuse-moi. Non, je disais, il y a Totti de la Roma, quoi, et puis t'as beaucoup de joueurs de la Juve, surtout, quoi. C'est vrai. Et moi, ce qui m'inquiétait, c'était que je me rappelle que comme on avait gagné au pénalty à la Coupe du Monde contre l'Italie, je me suis dit, tiens, l'Italie va vouloir sa revanche, et j'avais peur de ça, quoi. Donc j'avais peur que voilà, que ça se termine pour l'Italie, quoi, sur un but à la con, et puis qu'on perde sur ça, quoi. Ouais. Et donc, on arrive en seconde période, 55e minute de jeu, Del Vecchio qui marque. Alors moi, je vous avoue que la seconde période, je l'ai presque peu regardée, parce que, pareil que vous, hein, ça m'a tellement fait chier que je me suis mis à jouer à la console. Non, Mince, non, mais c'est vrai, hein, je crois que j'étais le seul. non, mais moi, j'ai joué à la console, et Alors, puis j'ai dû allumer la télé avant le but de l'Italie, et là, quand j'ai vu que l'Italie avait marqué, je fais c'est mort. J'y ah, c'est croyais pas, hein, j'y croyais mort, pas. ouais. Moi non plus. J'y croyais pas du tout, pour vous dire. Donc là, il y a le but de Del Vecchio. Je me suis remis à jouer à la console. Bon, je zappais de temps en temps pour voir si ça avait pas changé. C'était FIFA combien là? C'était 99. Non, Et non, Nick, non, c'était FIFA 2000, tu l'as excuse-moi. regardé, Non, c'était, ouais, tu c'était l'as FIFA regardé 2000. avec tes parents? Alors, cette fois-ci, Non. non. Bizarrement, il y avait moins d'engouement. Moi, mes parents, ils étaient, mes parents travaillaient le lendemain, donc ils étaient au lit. Non, non, là, j'étais tout seul à regarder la télé. Et c'est vrai que là, je m'étais vraiment fait chier devant. J'ai vu le but de Del Vecchio. J'ai dit là, c'est mort parce que j'ai très très peu de souvenirs de cette seconde période. Puis il y avait une rediff de Derrick sur l'autre chaîne, Ça devait être ça. Ouais. Ouais. Non, mais alors t'as les changements, t'as Wiltord qui rentre à la 58e minute, David Trezeguet. En fait, ça va être le trio payant qui va rentrer pour l'équipe de France parce que c'est Wiltord, Trezeguet, Pires Ouais. qui vont rentrer à la place de Lizarazu, Djorkaeff et Dugarry. Ah, Voilà. tu vois, Roger Le Lemaire, hein, il coaching. est bon. Bah oui, bah non. C'est ça que j'allais dire, le coaching est bon. Le Le coaching coaching est est bon. bon. Ouais. Domenech, il t'aurait fait rentrer Govou à ce moment-là. Voilà. On aurait perdu. Oh non, oh, il aurait demandé la main à sa femme, là. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Mon Dieu. Et donc on arrive à la 90e minute de jeu. Les Italiens sont, ce qui est normal, hein, ce qui est tout à fait normal. Tous les supporters italiens dans le stade sont heureux. Ils pensent à la victoire. De toute façon, tu n'arrivais pas à t'imaginer que la France allait égaliser tellement que c'était stérile. Il n'y avait rien, quoi. Les Italiens eux-mêmes, les remplaçants étaient tous Voilà, en c'est ça. accolade, Debout. debout, ils attendaient juste le coup de sifflet final. Il paraît qu'ils avaient sorti Oui. le champagne sur le banc de Ah touche. bah c'est possible, hein, c'est Il possible. avait raconté Possible. ça. Je crois que c'est Cannavaro qui avait raconté ça dans un documentaire. C'est sûr. Et arrive l'inimaginable, Wiltord qui égalise dans les toutes dernières secondes. Trezeguet. Wiltord. Et but! À la dernière seconde! Wiltord qui égalise à la toute dernière seconde! Et en plus, franchement, mais quand tu revois ce but, mais c'est une chance inimaginable, il est complètement excentré côté gauche, il frappe, et Toldo, il est Tu à deux crois pas, tu doigts, crois pas. ça il passe sous la main, quoi. Ça, il est à Ouais. deux doigts de détourner ce ballon, hein. C'est un si grand gardien, c'est incroyable que je veux dire, c'est un miracle quoi. C'est pas, Ouais, c'est un miracle, mais c'est mais ça, c'est inimaginable, quoi. moi Tu fais j'avais 100 fois entendu. la frappe. Ouais. Ouais, mais moi j'avais entendu dire, alors je sais plus qu'est-ce qu'avait dit ça les joueurs de l'équipe de France, qu'il fallait tirer à ras de terre parce que il savait pas plonger vraiment. Il était bon dans les airs, mais quand les balles à ras de terre, il avait du mal à plonger. Donc est-ce que c'est le fait que grâce à Wiltord, il y a eu cette frappe et puis ça a égalisé quoi. Donc C'est possible. mais j'avais entendu ça. C'est possible. Mais même, hein, tu vois, Jean-Michel Larqué et Thierry Roland, ils y croyaient plus, hein, de toute façon. Hein. Ils disent, bon, bah, ça va être la fin du match, les remplaçants Ouais. sont heureux, et trucs comme ça. Puis t'as cette action-là et t'as ce but venu de nulle part. Et là, tu dis, non, mais c'est pas possible, quoi. Mais égalisé à 94e minute de jeu. Et là, à partir de là, par contre. Donc moi j'étais content, j'ai gueulé comme quoi ben, la France avait marqué, donc mon père s'est Ça élevé, a réveillé tes parents, j'ai là. réveillé mes parents, mon père a regardé le but, et puis il est retourné se coucher. Par contre, lors de la prolongation, je me suis dit, tiens, maintenant ça peut être possible. On sait jamais, ça peut être possible. Mais je me dis, par contre, si ça arrive au tir au but, c'est même pas la peine, quoi. Je suis pas sûr qu'on arrive à gagner. Encore que l'Italie, ils ont quand même été assommés par ce but de Wiltord. C'est pareil, Oui, oui. ils croyaient vraiment qu'ils avaient. Physiquement, ils étaient cuits Ils étaient physiquement. cuits, hein, de toute Ah façon. ouais. Et donc, il y a un partout à la fin du match. Donc, on joue une prolongation. Et arrive ce qui arrive. La fatigue a commencé à se faire sentir côté transalpin. Pires. Oui, il est passé. Centre en retrait. Et but! Parce qu'il y a eu le long arrêt de jeu, disons à la dixième. Centre en retrait, ballon de but, du pied gauche, pleine lucarne, but en or. Et l'équipe de France marque une page de l'histoire. le but de Trezeguet à 2 minutes de la mi-temps de la prolongation sur une action de Robert Pires. Hein, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Ah ouais, pas, Robert Pires du côté gauche qui emmène deux défenseurs qui n'arrivent même pas à le suivre en marchant, quoi. Voilà, qui n'arrivent même pas à le suivre. Il fait un centre excentré et c'est Trezeguet qui reprend du gauche un deux volets. Et là, Toldo peut strictement rien faire. Hein. Superbe. Là, franchement, ce but, il est super beau. Hein. Ouais, magnifique. Là, t'as l'impression que c'est des buts de handball dans lesquels il tire. C'est ça, ouais. Tellement il est précis et puis... Une reprise de volée sous la barre et donc la France dans un match inimaginable qui remporte 7 euros. Voilà, c'est là par rapport à 98 où là tu te disais c'est bon à 2-0, on est champion du monde, plus rien peut nous arriver. Là c'est une énorme surprise. Ce 7 euros quoi. Et puis t'avais des Italiens avant l'Euro 2000 qui avaient raconté jamais de la vie ça arriverait à une équipe italienne de se faire éliminer à la dernière seconde comme la France contre la Bulgarie. Et puis malheureusement, tu vois, le karma il a été mauvais pour eux. Là. C'est vrai, il y a eu la poisse. Ouais. Donc voilà, la France qui réalise donc l'exploit de gagner une Coupe du Monde et de remporter ensuite l'Euro, c'était comme on avait dit du jamais vu. Et l'équipe de France qui confirme que c'est la meilleure équipe du monde et même d'Europe qui encore à ce moment-là, les joueurs de l'équipe de France sont vraiment adulés. Et on pense pas un instant qu'il va y avoir un déclin qui va se manifester après. Ouais, 2 ans après. Deux ans après. Bon, t'auras la Coupe des Confédérations que la France va encore remporter l'année d'après contre le Japon. En battant le Brésil en demi-finale, mais bon, c'est pas non plus un Brésil. C'était pas le Brésil qui aura eu à la Coupe du Monde. Hein. Il y avait pas Ronaldo, il y avait. C'était un Brésil B quoi presque. J'ai retrouvé le nom du coach, c'est Luxemburgo en fait. Ah, Luxemburgo, ouais, d'accord. Ouais. C'était un coach d'intérim que le Brésil avait à cette époque-là, avant que ça soit Scolari qui prenne les rênes. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus hein, de toute façon, il va y avoir un déclin après. Hein, T'as Roger Lemaire qui essaie de convaincre Deschamps de continuer jusqu'à la Coupe du Monde 2002 dans le rang central à la fin du match. C'est vrai que tu les vois en train de parler. Tu sais pas ce qu'il dit en fait à ce moment-là. Ouais. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est de voir certains joueurs qui ont été capables de s'arrêter au top en équipe nationale. Voilà. Contrairement à Desailly qui a voulu continuer et puis qui a été cramé en 2002. Voilà. Laurent Blanc, il a arrêté au bon moment, donc là il a refait un match, c'était le match des adieux contre l'Angleterre. C'est Laurent Blanc et Bernard Lama, c'est ça qu'ont annoncé leur fin de carrière. Leur fin, ouais. Puis Emmanuel Petit aussi. Je crois qu'il a fait 2002 Petit. Hein. Mais oui, il a fait 2002. Mais si tu veux, lui, il est revenu par miracle pour 2002. C'est ça. Ouais. Et il aurait voulu arrêter, lui aussi, il a dit. Hein. Mm. Mais après, t'as des joueurs comme aussi Thierry Henry hein, qui sont allés un peu trop loin. Je trouve en équipe de France qui aurait jamais dû à un moment donné, si tu veux. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Non, c'était un très bel euro. C'était un très bel euro. Il y a eu beaucoup de spectacles. Et puis, c'est un scénario. C'est un très bon scénario pour une finale. Quand t'es un supporter lambda, quand t'aimes aucune des deux nations. Pour toi, c'est une superbe finale, quoi. Parce que c'est un dénouement à la fin. Tu te dis, ça y est, c'est l'Italie qui gagne. Et puis, paf, fin du match, égalisation. Et puis, but en or. C'était vraiment une finale rêvée. Mais pour moi, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec cette finale, avec cet Euro 2000, cette finale, quoi. J'ai pas pris autant mon pied que pour 98, quoi. Ah bah ça, ouais, c'est vite, il y a moins de charme, hein, parce que c'était la première victoire aussi de l'équipe nationale française dans une compétition. En 98. Ah bah ouais, 84, ouais, c'est vrai que l'époque moderne, on va... Pour nous, en fait, je veux dire, moi, oui, j'ai pas vécu 95, c'est ça, oui, en fait. C'est sûr. Mais c'est vrai, c'était pas la première victoire. Mais après, comment dire, ça a beaucoup moins de charme parce que déjà, 98, t'avais la grande équipe du Brésil en face, malgré tous les pépins physiques qu'ils ont eu. Et finale de Coupe du Monde chez toi, ça sera toujours mieux que l'Euro 2000, hein, je pense, et Oui, bah c'est 98. sûr, Hein. c'est sûr, c'est Dans sûr. la conscience collective, tu parleras toujours plus de 98 que de 2000, quoi, Ouais. dans les conversations. Et puis, non, moi j'ai des bons souvenirs, quoi. Mais malheureusement, l'Euro, si tu veux, ça commence vraiment en demi-finale, quoi. C'est ça. Y a pas vraiment beaucoup de tours. L'Euro avec cette version-là, quoi, en fait. Il y avait pas de vrai challenge en phase de groupe, à Et part, puis il y en enfin, aura. malheureusement. Et malheureusement, là, ça va être de Là, pire en pire, hein, de toute façon. ça va être de pire en pire. Mais encore, tu vois, en 2000, on avait quand même un groupe assez difficile, nous, C'est la vrai, France. c'est vrai. Les têtes de série n'étaient pas favorisées, comme aujourd'hui, elles le sont, quoi. Donc là, je vais vous parler juste de l'équipe du tournoi, quoi, l'équipe UEFA du tournoi. Au gardien de but, Toldo. Bon, normal, ça aurait pu être Ouais. Barthez, mais Toldo. Défenseur, Fabio Cannavaro, Laurent Blanc, Maldini, Thuram. Milieu de terrain, Patrick Vieira, Zidane, Luis Figo, Edgar Davids. En attaque, Patrick Kluivert et Francesco Totti. Voilà. Ah, c'est pas mal. Le meilleur buteur, donc deux meilleurs buteurs, c'est Patrick Kluivert et Savo Milosevic, le Yougoslave, avec 5 buts. Ensuite, Nuno Gomes, 4 buts. 3 buts pour Thierry Henry, Sergio Conceição et puis Zlatko Zahovic. Et enfin, 2 buts pour Alan Shearer, Gueska Mendieta. Enfin, voilà, il y a plein de joueurs Voilà, qui deux buts, ont. ouais, Voilà, on va à deux pas. buts. Voilà. Ouais. Et meilleur joueur du tournoi, Zinedine Zidane. Bon bah Oh, c'est écoutez, beau bah ça. voilà, on va s'arrêter ici. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On vous souhaite, enfin oui, on vous souhaite une bonne fin d'année 2016 et puis une très bonne année 2017 en espérant qu'elle soit beaucoup meilleure que cette année 2016. Et on vous dit à très très bientôt pour de nouveaux podcasts, hein. Il y en aura d'autres en 2017. On va essayer de continuer sur cette lancée-là. Vous pouvez toujours aussi écouter dans le même genre les podcasts de Gabi avec la Ligue des Champions. Voilà, bah merci les gars d'avoir participé. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec à mes côtés. Merci à toi. Et puis bah vous Merci à aussi, toi. hein, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour de nouveaux rétro podcasts. Salut à Merci tous. bien. Salut.